Fille de l'air, par Clarisse Sandre. Fille de l'ombre et de la lumière, fille de l'air, de Déméter, de Dieu le Père, de l'univers un grain de poussière, fuyant hier, l'hiver, les déserts, à l'endroit, à l'envers, perdue dans ses chimères imaginaires, commère, romancière, policière ou diamantaire. Ordinaire, sincère, un peu sorcière, parfois outrancière, aux colères incendiaires et idées mortifères, ni rancunière, téméraire ou velléitaire, ne rêvant que de quitter l'enfer de cette terre, échapper aux sectaires, aux cerbères, à tous les primaires patibulaires, à trébilaires sanguinaires, aux torsionnaires, sortir des ornières, franchir les frontières, les barrières, fuir vers Cythère, les sables berbères, les plages ibères, les cratères lunaires, les contrées stellaires, l'astre solaire. Vogue la galère sur l'onde circulaire des peurs séculaires, vers les hautes sphères, la nouvelle ère, espère la fille de l'air. Clarisse Sandre, 17 janvier 2024.